Sésame, ouvre-toi. César, ceux qui vont mourir te saluent. Que cela soit écrit et accompli. Gouvernement Jet Set, ta page délire, le monde est à nous. Spachari, Firi, Sakato, Francesco, Kamosia, Dadi. Mangoko to bayaya, mangoko to nabino bayaya. Maître Yves Leberti, Moïse Le Sauveur, Michel Langa, Jean-Charles Tchikaya, Son Excellence Jean-Pierre Moutamba. Le vieux bombasse, rendez-vous dans le resto terminal. Y'a mon gangate, Mahashuna, au moins il suffit, miracle, c'est la vie sur terre. Japonais au Quito, Junior au Quito, Patrick Tabou, Didier Zango, Didier le parfum de marque, Simon Lukela, la taille de référence. Son Excellence Edi Angoulou, Kokopi, Franchi, Papa Bibi, Salon José Mapouya, London, Yvan Odoubi, Otoro, le garçon magique, hein. Yeah. Toi, j'ai envie de voir, au dos ma foi, ma belle Kalinga.